Mémoire d'un éléphant blanc par Judith Gauthier. Chapitre 1er. L'écolier de Golconde. Ce que je dois dire tout d'abord, c'est comment j'ai appris à écrire. Cela m'arriva cependant assez tard dans ma longue vie. Mais il me faut l'expliquer en commençant, car il paraît que vous, les hommes qui enseignez tant de travaux à ceux de ma race, n'avez pas coutume de leur faire faire leur classe, et un éléphant capable de lire et d'écrire est un phénomène assez rare pour être incroyable. Je dis rare, car j'ai entendu affirmer que mon cas n'est pas unique. Pendant ma longue fréquentation des hommes, j'étais parvenu à comprendre beaucoup de leurs paroles. Je savais même plusieurs langues, le siamois, l'hindoustani et un peu d'anglais. J'aurais pu parler, je m'y essayais quelquefois, mais je ne produisais que des sons extraordinaires qui faisaient rire mes maîtres et épouvantaient les éléphants, mes compagnons, quand il leur était donné de m'entendre, car cela ne ressemblait pas plus à leur langage que, paraît-il, à celui des hommes. J'avais près de 60 ans, ce qui est la fleur de la jeunesse pour nous, lorsque le hasard me permit d'apprendre à tracer des lettres et à écrire des mots que je ne parvenais pas à prononcer. L'enclos qui m'était réservé dans le palais de Golconde et où j'étais absolument libre était borné d'un côté par un mur de briques émaillées, bleues et vertes, assez haut, mais qui m'arrivait juste à l'aisselle. Je pouvais donc, si cela m'amusait, regarder par-dessus le mur tout à mon aise. Je me tenais de préférence à cet endroit, à cause de grands tamariniers qui projetaient une ombre fraîche des plus agréables. J'avais beaucoup de loisirs, j'étais même désœuvré, car je ne servais plus guère qu'aux promenades. Mon bain pris, ma toilette faite, mon repas terminé, mes gardiens, ou plutôt mes serviteurs, faisaient la sieste, allaient voir leurs amis, se divertir avec eux, tandis qu'immobile sous les arbres, je méditais, repassant dans ma mémoire les aventures de ma vie passée. Chaque jour, de la cour voisine, montaient des cris joyeux et des rires qui me distrayaient. Puis le silence se faisait et une psalmodie monotone le rompait seul. C'était de tout jeune garçon qui récitait l'alphabet, car une école était établie là. À l'ombre des arbres, sur une pelouse recouverte çà et là de petits tapis, les enfants, coiffés de calottes rouges, se roulaient, folâtraient, tant que le maître n'était pas là. Dès qu'il paraissait, tous se taisaient, et lui allait s'asseoir sur un tapis plus grand, près d'un vieil arbre. Au tronc de cet arbre était fixé un tableau tout blanc sur lequel il écrivait à l'aide d'un morceau de vermillon. Je regardais et j'écoutais, très distraitement d'abord, suivant surtout les jeux furtifs des écoliers, qui se faisaient des niches, me regardaient de côté avec des grimaces drôles, pouffaient de rire tout à coup sans cause apparente. Les punitions pleuvaient, les pleurs succédaient aux rires, et moi, qui étais un peu la cause des distractions, je n'osais plus me montrer. Mais ma curiosité était éveillée. L'idée de chercher à apprendre ce qu'on enseignait à ces petits hommes s'affirmait dans ma tête. Je ne pouvais pas parler, mais qui sait, je pourrais peut-être écrire. Dissimulé dans le feuillage, aux yeux des petits espiègles, je prêtais une attention extrême aux leçons, faisant quelquefois un si grand effort pour comprendre que des tremblements me parcouraient tout le corps. Il s'agissait seulement d'énoncer à la suite les lettres de l'alphabet et de les tracer sur le tableau blanc. La nuit, au lieu de dormir, j'exerçais ma mémoire. Et quand, malgré ma persévérance, je ne pouvais retrouver le son et la forme des lettres, je poussais des cris de désespoir qui souvent réveillèrent mes gardiens. Un jour, devant le tableau de l'école, se tenait debout un garçon déjà grand, mais dont l'intelligence était assez rebelle. Depuis plusieurs minutes, le maître lui ordonnait de tracer la lettre E. L'enfant, la tête basse, un doigt dans la bouche, se dandinait d'un air penaud. Il ne savait pas. Tout à coup, une résolution me vint. J'allongeai ma trompe par-dessus le mur et, prenant doucement le crayon des doigts du petit ignorant, un peu ému de mon audace, je traçai sur le tableau blanc un nœud gigantesque. La stupéfaction fut telle, du maître et des écoliers, qu'elle se manifesta seulement par un grand silence et des bouches béantes. Enhardi par le succès, je saisis le linge humide qu'on passait sur le tableau et j'effaçai le E que j'avais fait. Puis, en caractère plus petit, m'appliquant de mon mieux, j'écrivis l'alphabet d'un bout à l'autre. Cette fois, le maître tomba la face contre terre en criant au miracle, et les élèves épouvantés s'enfuirent. Moi, j'exprimai ma satisfaction en agitant d'avant en arrière mes larges oreilles. L'instituteur, tout tremblant, se leva, décrocha le tableau en ayant soin de ne rien effacer, et après m'avoir fait un très humble salut, il s'en alla. Quelques instants plus tard, je vis venir mon maout qui, sans me harnacher, m'emmena à travers les grandes avenues du parc jusqu'à la varangue du palais. Là se tenait d'ordinaire ma chère maîtresse. En ce moment, elle avait quitté son canapé de rotin et, agenouillée sur un coussin, examinait en s'ébahissant le tableau couvert de lettres que lui montrait le maître d'école. Autour d'elle, les visiteurs regardaient aussi. Il y avait là plusieurs hindous et un anglais. Dès qu'elle me vit, la princesse se releva, courut à moi en battant des mains. « Est-ce vrai? Est-ce vrai ? » cria-t-elle. « Irabata, c'est toi qui as fait cela ?» Je répondis par des clignements d'yeux et des claquements d'oreilles. « Oui, il dit oui !» affirma ma douce maîtresse qui, elle, savait bien me comprendre. Mais l'anglais secoua la tête d'un air moqueur. « Pour voir une chose aussi incroyable, il faudrait la voir de ses propres yeux et non l'entendre conter. » Je voulus effacer l'écriture sur le tableau. « Non, non !» s'écria le maître d'école en l'éloignant de moi. « J'ai vu le miracle et je supplie l'âme royale qui habite le corps de cet éléphant de me permettre d'en garder la preuve. » Sous un signe de la princesse, on fit venir des scribes qui déroulèrent devant moi une feuille de satin blanc et me donnèrent un calame trempé dans de l'encre d'or. L'anglais, avec une drôle de grimace, mit devant un de ses yeux un morceau de verre et devint très attentif. Sûr de moi, maintenant, sans me laisser intimider par ses regards et ce silence, je serrai fermement le calame au bout de ma trompe et sans me presser, très nettement, j'écrivis l'alphabet d'un bout à l'autre. « Irabata, oh mon fidèle ami !» s'écria la princesse. « Je savais bien que tu étais plus que notre égal. » De ses beaux bras blancs, elle entourait ma vilaine trompe et appuyait sa joue contre ma peau rugueuse. Je sentis des larmes rouler sur elle. Alors, tremblant d'émotion, je ployai les genoux et je pleurai aussi. « Très curieux, très curieux !» murmurait l'anglais extrêmement agité et qui laissait tomber et remettait sans cesse le morceau de verre au coin de son œil. Qu'en dites-vous, Milord, vous, un des plus savants hommes de l'Angleterre ? Demanda la princesse en m'essuyant les yeux avec son écharpe de gaze. Le savant avait repris tout son sang-froid. Quintus Mucius, qui trois fois fut consul, dit-il, raconte qu'il a vu un éléphant tracer des caractères grecs et former cette phrase « C'est moi qui écris ces mots et consacré les dépouilles celtiques ». Et Élien rapporte qu'un éléphant a écrit des sentences entières et même a parlé. Je ne pouvais croire des choses pareilles. Il faut bien reconnaître qu'elles sont possibles et s'incliner devant les anciens, nos maîtres, en s'excusant d'avoir douté de leurs paroles. Ma princesse décida que le maître d'école serait attaché à ma personne et chargé de m'apprendre à écrire des syllabes et des mots si cela était possible. Le brave homme, avec un respect profond et une patience digne d'un saint, se mit à l'œuvre dès le lendemain. Je fis, moi, de si grands efforts pour comprendre que je maigris de façon à donner de l'inquiétude à ceux qui m'aimaient. Ma peau en vint à flotter sur mes membres comme un habit trop large, mais lorsqu'on parla d'interrompre les leçons, je poussai de tels cris de désespoir qu'il ne fut plus question de cela. On m'obligea seulement à espacer les heures d'études, à me promener, et surtout à ne pas oublier de manger comme cela m'arrivait souvent, dans la fièvre d'apprendre qui me tenait. Je fus enfin récompensé de mes peines. Un jour, je pus écrire le nom bien-aimé de ma princesse. Il est vrai qu'il fut aussitôt effacé, tellement je noyai le papier sous un déluge de larmes. À partir de ce moment, il sembla que des voiles s'étaient déchirées dans mon cerveau. Je fis des progrès rapides, et avec une étonnante facilité, ce fut au point que mon professeur ne parut plus être à la hauteur de sa tâche, et que l'on appela auprès de moi un très illustre brahmane pour achever mon éducation. J'entendais dire que tout Golconde ne s'occupait que de moi, et que l'on s'attendait, le jour où je saurais écrire, à d'extraordinaires révélations sur les migrations successives de l'âme royale, peut-être divine, qui habitait mon corps d'éléphant. Ce que j'écrivis fut simplement l'histoire de ma vie déjà longue, et que ma chère maîtresse ne connaissait pas en entier. Elle fut aussitôt traduite de l'hindoustanie, dans lequel je l'avais écrite, en toutes les langues d'Asie et d'Europe, et vendue par centaines de mille volumes. Cette gloire, qui me fit beaucoup d'envieux parmi les auteurs des différents pays dont les livres ne se vendaient pas aussi bien, ne me rendit pas orgueilleux. Ma récompense, ce fut sa joie et son émotion à elle. Le reste du monde m'importait peu, car tout ce que j'avais fait, c'était seulement, uniquement pour elle. Chapitre 2e. La forêt natale. Je suis né dans la forêt de Laos, et du temps de ma jeunesse, je n'ai gardé que de bien confus souvenirs. Quelques corrections infligées par ma mère quand je refusais de me baigner ou de la suivre à la cueillette des fruits et des herbes. Quelques joyeuses parties avec les éléphants de mon âge. Des terreurs les jours de grands orages. Des pillages de récoltes dans des champs ennemis et de longues béatitudes au bord des ruisseaux, dans les clairières silencieuses. C'est tout, car en ce temps-là, des brumes étaient sur mon esprit, qui ne se déchirèrent que plus tard. Quand je fus grand, je m'aperçus avec surprise que les anciens de la Harde, dont je faisais partie, me regardaient avec déplaisir. Cela me causa de la tristesse, et je voulais croire que je me trompais. Cependant, je pus me convaincre que malgré les avances que je leur faisais, tous s'éloignaient de moi. Je cherchais la cause de cette aversion et je découvris bientôt, en voyant mon image dans un étang qui me reflétait, que je n'étais pas semblable aux autres. Ma peau, au lieu d'être grise et terreuse comme celle de tous les éléphants, était d'une couleur blanchâtre, rose par endroits. D'où cela pouvait-il venir? Une sorte de honte s'empara de moi, et je pris l'habitude de m'écarter du troupeau qui me repoussait et de vivre en solitaire. Un jour que j'étais ainsi, triste et humilié, loin des autres, j'entendis un bruit léger dans le taillis. J'écartai les branches avec ma trompe, et j'aperçus alors un être très singulier qui marchait sur deux pattes et cependant n'était pas un oiseau. Il n'avait ni plumes ni fourrure, mais sur sa peau, des pierres brillaient et des morceaux de couleur vive le faisaient ressembler aux fleurs. Je voyais pour la première fois un homme. Une terreur extrême s'était emparée de moi, mais une curiosité plus violente encore me tenait là, immobile, en face de cet être, très petit, que j'aurais écrasé sans le moindre effort et qui cependant me semblait d'une espèce redoutable et beaucoup plus puissante que nous. Tandis que je le regardais, il me vit aussi et se jeta sur le sol en faisant des gestes extraordinaires dont je ne compris pas alors le sens, mais qui ne me parurent pas être hostiles. Après quelques instants, il se releva et s'éloigna à reculons en s'inclinant à chaque pas jusqu'à ce que je l'eusse perdu de vue. Dans l'espoir de revoir cet être, je retournai à cette même place le lendemain. L'homme revint, mais cette fois il n'était pas seul. En me voyant, ses compagnons comme lui-même se livrèrent encore à des mouvements singuliers, se jetant la face contre la terre ou pliant leur corps en deux à plusieurs reprises. Ma stupéfaction était extrême et ma crainte diminuait. Je trouvais les hommes si jolis, si lestes dans leurs gestes, que je ne me lassais pas de les regarder. Ils s'en allèrent pourtant et je ne les revis plus. Un soir, que solitaire, selon ma coutume, je descendais boire au lac, j'aperçus sur l'autre rive un éléphant qui me regarda aussi et bientôt me fit des signes affectueux. Cela me flatta de voir qu'il n'éprouvait pas pour moi, comme les autres, de la répulsion, qu'au contraire, il semblait m'admirer et tout disposé à se lier d'amitié avec moi. Pourtant, je ne le connaissais pas, il n'était certainement pas de notre Harde. Il arracha quelques racines délicates dont nous sommes friands et me les montra, comme pour me les offrir. Alors, je n'hésitai plus, je me mis à la nage et je traversai le lac. Quand j'eus atteint l'autre rive, je fis comprendre à cet aimable étranger que je n'étais pas venu attiré par la gourmandise, mais bien pour jouir de sa compagnie. Il me força tout de même à accepter une partie de sa trouvaille et se mit gentiment à manger le reste. Puis, après quelques gambades qui me semblèrent fort gracieuses, il s'élança en avant, m'invitant par des regards aimables à l'accompagner dans sa promenade. Je ne me fis pas prier, et nous nous enfonçâmes tous deux dans la forêt, courant, folâtrant, cueillant des fruits et des fleurs. Je prenais tant de plaisir aux gentillesses de mon nouvel ami que je ne m'aperçus pas du chemin qu'il me faisait parcourir. À un moment cependant, je me trouvais tellement dépaysé que je m'arrêtais inquiet. Nous venions de déboucher dans une plaine inconnue dont les lointains se découpaient singulièrement sur le ciel. C'étaient des pointes, des monticules couleur de neige, des boules brillantes, des fumées, toutes choses qui n'étaient pas de la nature. En voyant mon hésitation, mon compagnon, pour la faire cesser, me donna un amical coup de trompe, assez vif cependant pour laisser deviner une vigueur peu ordinaire. Mais ma défiance était éveillée, je ne fus guère convaincu par cette tape, dont la peau me cuisait, et je refusai d'aller plus loin. L'étranger poussa alors un cri prolongé auquel d'autres cris répondirent. Sérieusement effrayé cette fois, je me retournai brusquement vers la forêt. Une dizaine d'éléphants venaient d'en sortir et me barraient le passage. Celui qui m'avait ainsi dupé, sans que je puisse encore comprendre pourquoi, craignant le premier élan de ma colère, s'était prudemment éloigné. Il courait devant moi avec promptitude, mais j'étais beaucoup plus grand que lui et j'aurais bientôt fait de le rejoindre. Je me lançai donc à sa poursuite, mais au moment de l'atteindre, je m'arrêtai net. Il venait de franchir une porte ouverte dans une formidable palissade faite de troncs d'arbres géants. C'était donc là qu'on voulait m'attirer, me faire prisonnier. J'essayais de reculer, de m'enfuir, mais j'étais cerné par les complices de mon faux ami qui, me fouettant cruellement à coups de trompe, me forcèrent à entrer dans cet enclos dont la porte se referma aussitôt. En me voyant pris, je poussai mon cri de guerre. Je me lançai en avant, fondant de tout mon poids sur la palissade, cherchant à la renverser. Je courais comme un fou tout alentour, heurtant de mes défenses, saisissant de ma trompe les madriers pour essayer de les arracher. Je m'acharnais surtout contre la porte, mais tout fut inutile. Mes adversaires, prudemment, avaient disparu. Ils ne revinrent que lorsque je fus absolument épuisé, anéanti par ma rage impuissante, et qu'immobile, baissant la tête, je m'avouai vaincu. Celui qui m'avait attiré dans ce piège reparut et s'approcha de moi sans crainte en traînant d'énormes chaînes dont il m'entoura les pieds. Comme par de sourds grondements je lui reprochais sa perfidie, il me fit comprendre que je n'étais pas en danger et que si je voulais me soumettre, je ne regretterais pas ma liberté perdue. La nuit était venue, on me laissa seul, ainsi enchaîné. Avec acharnement, je travaillais à détruire ces liens, mais sans pouvoir y parvenir. Enfin, accablé de désespoir et de lassitude, je me jetai sur le sol et bientôt je m'endormis. Chapitre 3e. Marche triomphale. Quand je rouvris les yeux, le soleil était levé et je vis tout autour de l'enclos, hors de ma portée, les éléphants de la veille, attachés par un pied à l'aide d'une corde, facile à rompre d'un seul effort. Avec beaucoup de satisfaction, ils mangeaient d'excellentes herbes et des racines amassées devant eux. J'avais trop de honte et de tristesse pour avoir faim, et je regardais d'un œil morne ces prisonniers dont je ne pouvais comprendre l'air tranquille et heureux. Lorsqu'ils eurent mangé, des hommes parurent et, loin de témoigner de la frayeur, les éléphants les saluèrent en agitant leurs oreilles et en donnant tous les signes de la joie. Chacun s'adressait à un homme spécialement, et l'homme ne s'occupait que d'un seul. Il détachait l'entrave du pied, frottait d'un onguent la peau rugueuse, puis à un signe, le captif repliait en arrière, un pied de devant pour que l'homme puisse monter et se hisser ainsi sur le colosse. Je regardais tout cela avec une si vive surprise que j'oubliais presque ma peine. Maintenant, chaque homme était assis sur le cou d'un éléphant, et l'un après l'autre, ils se mirent en marche, puis sortirent de l'enclos qui, derrière eux, fut refermé. Je restais seul, comme abandonné. La journée fut longue et cruelle. Le soleil me brûlait. La faim et la soif commençaient à me faire souffrir. Je ne me débattais plus. Mes jambes étaient meurtries par les vains efforts que j'avais faits. J'étais accablé, hébété, me considérant déjà comme mort. Au coucher du soleil, les éléphants revinrent, apportant chacun une charge de nourriture, et je les vis encore manger gaiement, tandis que la faim me tordait l'estomac et que nul ne paraissait plus m'apercevoir. Quand la nuit tomba encore une fois, je me laissai aller à pousser des cris de douleur plus que de colère. La faim et la soif ne me permirent pas de dormir un seul instant. Le matin, un homme s'avança vers moi. Il s'arrêta à quelque distance et se mit à me parler. Je ne comprenais pas, naturellement, ce qu'il me disait, mais la voix était douce et je me rendais compte qu'elle ne menaçait pas. Quand il n'eut plus rien à dire, il découvrit un bassin qu'il portait, empli d'une nourriture inconnue, mais dont le parfum appétissant me fit trépigner de désir. Alors l'homme vint à ma portée et, s'agenouillant, il soutint le bassin devant moi. J'étais si affamé que j'oubliais tout orgueil, toute colère et même toute prudence, car ce que l'on m'offrait pouvait être empoisonné. En tout cas, je n'avais jamais rien goûté d'aussi délicieux, et quand le bassin fut vide, je ramassai les moindres miettes tombées sur le sol. L'éléphant qui m'avait capturé revint près de moi, portant sur son cou un homme. Il me fit comprendre, par de légers coups de trompe, que je devais fléchir une de mes jambes de devant, afin que celui qui m'avait donné à manger pût monter sur mon dos. J'obéis, résigné à tout, et très lestement, l'homme s'élança et s'installa près de ma tête. Puis il me piqua l'oreille avec une pointe de fer, mais doucement, pour m'indiquer seulement qu'il était armé et qu'il pouvait, au moindre signe de rébellion, me faire très mal à cet endroit de l'oreille, si sensible chez nous. Suffisamment averti, je ne donnai aucune marque d'impatience. Alors, on m'ôta les entraves des pieds. L'éléphant se mit en marche et je le suivis docilement. On sortit de l'enclos et on me conduisit à un état dans lequel on me fit entrer pour me baigner et pour boire. Après les privations que j'avais subies, le bain me causa un plaisir si vif que je ne pouvais, quand il en fut temps, me décider à remonter sur la rive. Mais une piqûre à l'oreille me fit bientôt comprendre qu'il fallait obéir. J'eus une si grande peur d'être de nouveau privé de manger et de boire que je m'élançai hors de l'eau, bien décidé à faire tout ce que l'on voudrait. Maintenant, nous nous dirigeons vers ces choses étranges que j'avais aperçues au bout de la plaine, le jour où l'on m'avait fait prisonnier. C'était, je le sus plus tard, la ville de Bangkok, capitale du pays de Siam. Mais je n'avais encore jamais vu de ville, et ma curiosité était de nouveau si éveillée que j'avais hâte d'arriver. À mesure que nous approchions, des hommes apparaissaient au bord de la route, de plus en plus nombreux, tellement que bientôt ce fut une foule. Ils étaient rangés, immobiles, des deux côtés de mon passage, et à ma grande surprise, je finis par m'apercevoir que c'était moi qu'ils attendaient, moi qu'on voulait voir. À mon approche, ils poussaient des cris de joie, et quand je passais devant eux, ils se jetaient la face contre terre, les bras étendus. Puis, derrière moi, ils se relevaient et me suivaient de loin. Aux portes de la ville, un cortège parut, venant à ma rencontre, avec des drapeaux d'or, des armes, des houppes de soie au bout de grandes perches. Tout à coup, un bruit si extraordinaire éclata qu'ils m'arrêtèrent à court. On eût dit des cris, des rugissements, le fracas du tonnerre, le sifflement du vent, mêlés à des voix d'oiseaux. Je fus si effrayé que je me retournai pour fuir, mais je me trouvais trompe à trompe avec mon compagnon qui me suivait. Sa parfaite tranquillité et la façon goguenarde dont il clignait des yeux en me regardant me rassurèrent. J'eus honte aussi de montrer devant tant de spectateurs moins de courage qu'un autre, à tel point que je fis volte-face pour reprendre la route, si vivement que l'homme assis sur mon cou n'avait pas eu le temps de me piquer trop fort l'oreille. Je dus m'arrêter devant le chef du cortège qui me saluait et faisait un discours. Le grand bruit terrible avait cessé, mais il reprit dès que le personnage se tut. Le cortège se retournant me précéda et on se remit en marche. Je vis alors que c'étaient des hommes qui faisaient tout ce tapage. Ils secouaient différents objets, tapaient dessus, soufflaient dedans et paraissaient se donner beaucoup de peine. Ce qu'ils faisaient, c'était de la musique. Je m'y habituai par la suite, et même elle me devint très agréable. Pour l'instant, je n'avais plus peur, et tout ce que je voyais m'amusait extrêmement. Dans la ville, la foule était plus épaisse encore et la joie plus bruyante. On avait étendu des tapis sur la route que je suivais. Les maisons étaient ornées de guirlandes de fleurs. Des fenêtres en jetaient des fioles de parfums que mon conducteur attrapait au vol et répandait sur moi. Pourquoi donc était-on si heureux de me voir? Pourquoi me comblait-on de tant d'honneur? Moi que dans ma harde, au contraire, on repoussait et on dédaignait, je ne pouvais rien me répondre alors. Plus tard, je sus que la couleur blanchâtre de ma peau me valait seule tout cet enthousiasme. Ce qui semblait peut-être aux éléphants un défaut, les hommes le jugeaient un avantage extraordinaire, une rareté qui me rendait plus précieux qu'un trésor. Ma présence était un signe de bonheur, de victoire, de prospérité pour le royaume, et l'on me traitait en conséquence. Nous étions arrivés sur une grande place, devant un monument magnifique, bien capable de stupéfier un éléphant sauvage. C'était le palais du roi de Siam. Ce palais, je le revis souvent depuis ce jour, en le comprenant mieux, mais toujours avec la même admiration. C'était comme une montagne de neige, taillée en dômes, en grands escaliers couverts de statues peintes, de colonnes incrustées de pierres brillantes et surmontées de globes de cristal qui éblouissaient. Des pyramides d'or dépassaient les dômes à plusieurs endroits, et des étendards rouges flottaient. Je m'aperçus que sur tout s'était figuré un éléphant blanc. Toute la cour, en costume de cérémonie, était debout sur les marches du premier escalier. En haut, sur la plateforme, de chaque côté d'une porte, rouge et or, des éléphants couverts de belles housses, rangés, huit à droite et huit à gauche, se tenaient immobiles. On me fit approcher au pied de l'escalier, lui faisant face, et on m'arrêta là. Un grand silence s'établit. L'on eût dit qu'il n'y avait là personne tant cette foule, tout à l'heure si bruyante, était maintenant muette. La porte rouge et or s'ouvrit toute grande, et aussitôt le peuple entier se prosterna, appuyant le front au sol. Le roi de Siam apparaissait. Il était porté par quatre porteurs, dans une niche d'or où il était assis, les jambes croisées. Sa robe, couverte de pierreries, lançait sans discontinuer des rayons aveuglants. Devant lui marchaient de jeunes garçons vêtus de pourpre, qui agitaient des éventails de plumes emmanchées à de longues hampes. D'autres portaient des bassins d'argent, hors desquels floconnait la fumée des parfums. J'explique tout cela aujourd'hui avec les mots que j'ai appris depuis, mais alors, j'admirais sans comprendre, j'avais la sensation de voir toutes les étoiles du ciel nocturne en même temps que le soleil du jour et les fleurs du plus beau printemps. Les porteurs du roi descendaient les marches en face de moi. Sa majesté approchait. Alors, mon conducteur me piqua l'oreille et mon compagnon, me frappant les jambes de sa trompe, m'indiqua que je devais m'agenouiller. Je le fis volontiers devant cette splendeur, qui me semblait devoir brûler celui qui y toucherait. Le roi inclina légèrement la tête, il m'avait salué. Je sus par la suite que seul j'étais honoré d'une pareille faveur, et j'appris vite à rendre au roi son salut, ou plutôt à le saluer le premier. Sa majesté m'adressa quelques paroles, qui ne furent pour moi qu'un bruit agréable. Il me donna le nom de roi magnanime, avec le titre de mandarin de première classe, puis il posa sur mon front une chaîne d'or et de pierres précieuses. Il rentra ensuite dans son palais. Les assistants, toujours prosternés jusque-là, se relevèrent d'un seul mouvement et, avec des sauts et des cris de joie, m'accompagnèrent vers mon palais, à moi, où l'on allait m'installer. C'était dans un jardin au milieu d'une vaste pelouse que s'élevait ce palais. Les murs étaient en bois de santal et les larges toitures débordaient tout autour. Vernies en rouge, elles luisaient au soleil avec ça et là des globes de cuivre et des têtes d'éléphants sculptées. On me fit entrer dans une salle immense, si haute que les poutrelles rouges qui s'enchevêtraient au faîte me rappelèrent les branchages de la forêt natale quand le soleil du soir les empourprait. Un vieil éléphant blanc se promenait lentement dans la salle. Dès qu'il m'aperçut, il s'avança vers moi, en agitant ses oreilles pour me faire fête. Ses défenses étaient ornées d'anneaux en or, garnis de clochettes, et il avait sur le front une couronne pareille à celle que le roi m'avait mise. Tout cela ne l'embellissait guère. Sa peau était ridée et gercée, avec des taches grises comme de la terre sèche, des rougeurs aux aisselles et autour des yeux. Ses défenses étaient jaunies et cassées, et il avait peine à se mouvoir. Cependant, il paraissait aimable, et je répondis à sa politesse. Mon conducteur descendit de mon cou, tandis que des officiers et des serviteurs se prosternaient devant moi, comme j'avais vu qu'on le faisait devant le souverain lui-même. Puis ils me conduisirent devant une haute table de marbre, où, dans des bassins d'or et d'argent, des bananes, des cannes à sucre, toutes sortes de fruits délicieux, des herbes choisies, des gâteaux, du riz, du beurre fondu, étaient offerts à mon appétit. Quel régal ! Ah, j'aurais voulu que ce marde, qui paraissait tant faire fi de moi, vise de quelle façon on me traitait parmi les hommes. L'orgueil se levait dans mon cœur, et je ne regrettais plus, déjà, la forêt sauvage et la liberté.